Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour, bienvenue à cette édition des Palmarès C'est fou pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2012. Je m'appelle Mathieu Plante et dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir 4, 5, 6, 7, 7 nouvelles entrées. Waouh, c'est bien quand même. Et on va avoir David Giguère, les Delaware Chuck, les Cowboys Fringants, Jane's Addiction, Duchesses et Wood Pigeon. On va débuter avec Marie-Pierre Arthur, mais avant ça, je vous dis de rester avec nous toute l'émission parce que Jasmine Raymond-Rainville va me rejoindre ici en studio dans quelques minutes, sinon heures. Et puis on va avoir deux fois la chronique un instant classique parce qu'on les a pas joués la semaine passée à cause du carnaval étudiant et de C'est fou la musique, le quiz qu'il y avait eu à la Chasse Galerie. Donc on va se reprendre pour ça. Et en plus, ben les moments de cette semaine, donc deux fois un instant classique. Et je pense même que Justine Renaud va être avec nous aujourd'hui. Je vais pas promettre de choses en l'air comme ça, mais une grosse émission très chargée. Et en plus, j'en ajoute comme ça, là, 116, je franchis pas de mes notes pour rien oublier. On a Mono Grenade en entrevue plus tard dans l'émission. Eux qui figurent sur le palmarès avec la pièce de toute façon. Ils sont en spectacle ce soir, jeudi 2 février, pour ceux qui nous écoutent en direct à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Donc, on leur parlera monogrenade tantôt. On débute par contre en 20e position francophone. Voici Marie-Pierre Arthur et Fil de soie sur C'est fou. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. Nouvelle entrée. Which one? Comme une comète. Et on oubliera la jolie starlette. Et elle passera comme une comète. Et on oubliera la jolie starlette. Et elle passera comme une comète. Numéro 19, nouvelle entrée. ça bûche-tu assez à votre goût, ça? Dutch 16 avec l'excellente pièce Narcisse, position numéro 19 anglophone. C'est le deuxième extrait de leur album, et le funk des T. Et j'adore donc Dutch 16. À chaque fois, je me dis, il me semble que j'aime pas ça, la musique qui bûche trop d'habitude. Mais ça, ça bûche, puis en même temps, c'est forcément d'affaires que je sais pas, je suis fou donné de la tête, j'adore ça. Avant, du côté franco, c'était les Cowboys fringants avec Télé, une très bonne critique sociale sur les vedettes de différentes télé-réalités. Donc, j'ai bien aimé les Cowboys fringants sur l'album Que du vent, c'est le deuxième extrait là aussi. En 20e, avant ça, on a entendu Wood Pigeon et For Paolo sur leur album. For Paolo, c'est très bon ça aussi. Et avant ça, une autre qu'on aime, sérieusement, les nouvelles entrées cette semaine. D'habitude, je le dis pas, donc des fois, quand je le dis pas, ça peut vouloir dire que j'aime pas même ça. Pas tout le temps, là. Faut pas prendre ça pour acquis. Mais bref, Ben Pierre Arthur, j'aime aussi Fil de soie, c'est sur l'album Aux alentours. Il nous reste encore trois nouvelles entrées, donc on va aller entendre tout de suite les positions numéro 18 en anglophone. C'est Jane's Addiction avec Curiosity Kills. C'est le troisième extrait de l'album The Great Escape Artist, mon début en 18e franco. Voici le deuxième extrait du Tour du chapeau des Delaware Chuck. C'est la pièce Rum and Coke au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. We'll be right back. nouvelle entrée. Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Passer sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Allez creuser, allez crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Je veux dire comme lui, encore un autre bon bloc de nouvelles entrées. On a entendu encore de David Giguère en position numéro 17 francophone. Avant ça, on a sauté par-dessus la 17e anglo. Mais en fait, pas avant ça, mais juste en général. The Decemberists avec E. Watson. C'était pas nouveau, donc c'est pour ça qu'on l'a pas entendu. Ça fait 7 semaines que c'est là sur l'album Long Live the King. Avant ça, on a entendu deux nouvelles entrées en 18e place. En anglo, c'est Jane's Addiction avec Curiosity Kills sur l'album The Great Escape Artist. Et on a débuté tout ça avec les Dale Chuck et Robin Koch sur l'album Le Tour du Chapeau. Voilà. On va sauter par-dessus quelques petites affaires. En fait, on va parmi les 16e et 15e places, on va entendre seulement une pièce. Hein? C'est comme ça. Donc, on saute par-dessus les 16e complètement. Das avec Army qui descend de 5 places en francophone. Et Ox qui descend de 8 avec Indie Rock Radio Nation en anglophone. On va entendre, on va sauter aussi par-dessus la 15e franco, les Oulala avec Tu Doses. On va l'entendre de Darcy's qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Voici Josie. 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ah oui. C'est bon, c'est comme ça, c'est bon. Bon, ça, écoutez ça. C'est bon. Ah, bon. Thank you. beach and make it. Throw down the jam till the girls say when. Lay down the law and break it when Josie comes home. When Josie comes home. Like a Roman with her eyes on fire. Joe, would you love to scrabble? She'd never say no. Shot up the battle apple to shake it all down tonight. Struck out the stroke of midnight. Dance on the bones till the girls say when. Pick up what's left by daylight when Josie comes home. When Josie comes home. So bad. She's the best friend I ever had. She's the rock. Retour, Malajube, Mauve, East Road et Tom Waits dans les Palmarès C'est fou au 89 FM. Restez là! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. numéro 14. Song to my ears, just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Give my mind a rest. Dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go to reach and go. My dreams for tomorrow. It is slowly dying, slowly dying. Behind these dark gray clouds, sun always shines. I've 30 years, long black night. Morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind. Goals of my life, keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying, still a long way to go to reach the goals. Dreams for tomorrow. It is slowly dying. The crackling of the fire, the sweet song. Eastroad et A Long Way To Go en position numéro 14 anglophone. Ça monte de 6 places et c'était nouveau la semaine passée. Ça monte un tout petit peu, mais quand même, c'est une pièce qu'on apprécie quand même, même si elle monte pas tant que ça. Ça va finir par monter, c'est sûr. Eastroad, formation locale. Avant, du côté francophone, on a entendu Malajub et Radiologie qui montent aussi de 6 places et qui étaient aussi nouvelles la semaine passée. Donc, les deux pièces sont suivies un petit peu. Hein, même Malajub, ça monte pas si vite que ça des fois. Hein? Donc, Eastroad, Malajub, même chose. On va aller au 13e place du côté anglophone. Ce sera Tom Waits qui monte de 3 places avec Get Lost. C'est le deuxième extrait de l'album Bad As Me. On débute en 13e franco et ça monte de 5 places. C'est aussi le deuxième extrait de l'album Cinéma Plymouth de Mauve. Voici Madeleine. Au palmarès, c'est fou. Et n'oubliez pas, les palmarès, c'est fou, mais c'est la meilleure musique de C'est fou. Pas trop retenir en même temps. Hein? Ça, bien, comme évident. Ouais. Madeleine, tu fais de la peine quand tu embrasse les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais ta vilaine en volant

Tom Waits et Get Lost en 13e position anglophone, ça monte de 3 places. Et avant, on a entendu Malajub et... avec Madeleine qui monte de 5 places. C'était nouveau la semaine passée. Some Move sur l'album Cinéma Plymouth. Voilà, on est presque rendu à la fin de la première heure. Je vous rappelle que tantôt, Jasmine Raymond-Drainville s'en vient pour co-animer l'émission avec moi. Et on a aussi deux portions d'instants classiques la semaine passée et cette semaine à entendre, en plus d'une entrevue avec Mono Grenade et un paquet d'autres choses. Ça va être super bon, mais pour l'instant, les 12e places. En anglo, c'est Hushtra avec The Choke qui descend de 9 positions. On débute par contre avec Benoît Rochelot qui monte de 3, voici 20 ans au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Prends ton sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Viens-t'en, on s'en va au parc. Viens, on s'en va stipuler, frère. Try the Choke, on poursuit le numéro 12 anglophone, ça descend de 9 places et en franco, on a entendu Benoît Rochelot et Vient-en qui monte de 3, 7e semaine de présence pour cette pièce qui dure pas mal, ça dure ça, Vient-en, on va au parc avec ton sac. On revient dans quelques minutes avec les positions 11, on verra bien, hein, avec les surveillantes là-dedans, Nan the Nat de Jezebels, Wilco et Cœur de Pirate, restez là, c'est les palmarès, c'est fou. C'est assez fou pour l'écouter. C'est la deuxième heure des palmarès assez fous pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Jasmine Raymond-Dreville sera avec moi dans quelques minutes pour co-animer le reste de l'émission. Mais on débute avec les positions numéro 11. On a déjà passé presque la moitié du palmarès en moins d'une heure, donc on se garde du temps pour du contenu d'ici la fin de l'émission. On rappelle qu'il va y avoir deux portions d'un instant classique pour les semaines du 23 janvier et du 30 janvier. Il y a aussi l'entrevue avec Mono Grenade qui s'en vient et la section ailleurs dans les palmarès. Donc, plein de bonnes choses pour vous. Mais on débute avec les 11e places. Comme je le disais, du côté anglophone, c'est de Jezebels avec Endless Summer qui monte de 2 places. On débute avec les surveillantes qui montent, elles, au pluriel de 3. Et c'est leur 3e semaine de présence. Voici la force de la gravité dans ce condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Moi, j'appelle ça les palmarès, c'est fou. Plus court. Je m'en ferme moins dans ma langue. Alors là. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977789 fois 2,2977789789 fois 10 exposant moins 7 newtons. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Numéro 11. Lanzanette avec Huntington en position numéro 10, ça descend de 5 places. Avant, on a sauté par-dessus Salomé Leclerc et Ne revient pas, qui descend de 5 places aussi, finalement. Ben oui. Et avant, on a entendu les 11e en anglo de Jezebels avec Ella Summer qui monte de 2. Et Les Surveillantes a débuté le bloc avec La Force de la Gravité qui monte de 3 places. On écoute tout de suite la position numéro 9, Franco, Cœur de Pirate, et on revient avec Jasmine Raymond Drainville. Je la vois, est arrivée. Elle est là, elle est juste là. Allô? Vu d'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire et briller au regard que j'ignorais. Mais tiens, comptais plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte, et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir, te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, Cœur de Pirate et la pièce Golden Baby en 9e position, ça monte de 10 places. Et on a sauté par-dessus plein de choses, donc faisons le ménage. On va accueillir Jasmine Raymond Drainville. Hey, bon matin. Bon matin. Bon après-midi. Bon matin, salut. Jasmine, si tu te dis, comme tu veux. C'est le matin. Donc, on a sauté par-dessus la 9e position anglophone, c'est-à-dire Steve Hill avec It Ain't Cool. Et on a sauté aussi par-dessus les 8e places. Par-dessus Funambule, oui. En français, avec la pièce C'était le naufrage. Oui, et en anglophone, c'était The Cooks avec Junk of the Heart, en parenthèse Happy, qui descend de 2 places. On n'a pas écouté ça non plus. Non. Mais non, c'est plate. Il faut sauter des choses, on a plein de contenu. On peut pas tout faire. Et voilà, ah ben, Colin, une leçon que tu apprends avec le temps, Jasmine. Effectivement, je commence à le comprendre. Ça t'implique un petit peu trop, peut-être. J'ai réussi encore. Moi, j'ai un petit rhume, mais. comment t'as dit tes côtés de nez? Mes coins de nez. Coins de nez, excuse-moi. Mes coins de narines, là. Techniquement parlant, médicalement. Ils sont un peu rougis. Rougis? T'as l'air gêné du nez. Ou gêné. Des côtés de nez, là, des coins de nez. Ou gêné. Bon, hein? Assez parlé de mon nez. T'as compris? Donc, position numéro 7 anglophone, on va entendre Wilco avec Dawn On Me qui monte de la 11e place. Et du côté francophone, ce sera Marc Derry avec L'Astroblème qui passe de la première à la 7e. Oh. Il s'en va tranquillement. Ben, Colin. Ouais. Ben, ouais. Faut que laisse la place aux autres. Ben, c'est ça, Marc Derry. Il peut pas tout avoir lui non plus. Vieux de la vieille, là. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Il se fait. Vieux de cette semaine. Je blague. Donc, voilà. Vous êtes au Palmarès. C'est fou, restez là parce que tantôt, notre premier de deux blocs, un instant classique, s'en vient. Ça va être le fun. Mm-hmm. Oh, oui. Non, pas ça, pas ça. C'est assez, une fois. As-tu dit aval, je pense, comme début, comme quoi? C'est le seul mot que j'ai fait jouer. Je sais pas. Non. J'ai mieux pas y penser. Regardez-moi ce ciel, on n'a rien vu de si beau depuis facilement l'année zéro. La terre est encore belle, encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien, y a tout ce qu'il faut. Quand il dort, y a un nouveau soleil, une autre constellation, y a plein de nouvelles idées qui s'éveillent. En passant tantôt, on a écouté un début de pièce de Cœur de pirate. Si on pensait que ça disait Aval, je pense qu'on devrait quand même corriger notre erreur et vous faire entendre juste le début parce que c'est pas Aval. Hein. Oh, Aval. On dirait que c'est Aval. Ben, on dirait parce qu'elle prononce comme des fois drôle. Ouais. Hein? Mais la pièce, ça s'appelle Ava. Oh, Ava. Hein, quand tu dis Ava, ça fonctionne. Mais oui. C'est super. Oui. Donc, il nous reste Wilco à l'entendre, puis après ça, on revient avec les instants classiques. Numéro 7. T'allais parler, hein? Ben oui, mais là, je sais plus ce que j'allais dire. C'était pas pertinent. Oublie ça. Tantôt. I've been hurt and consoled. Heart of cold, heart of gold. So I've told. I've been lost, I've been found. I've been taken by the sun.

significative avec Bill Destroy Rebuild qui descend du numéro 1 à la 6e place anglophone. Juste avant, c'était les Breastfeeders avec Manteau de froid qui passait de la 12e à la 6e. On prend une petite pause et on vient avec Justine Renaud. Ouais! Et les tartines de Justine, qu'est-ce qu'on met dessus aujourd'hui? Pas du cheese whiz. Du Nutella! Ah oui! Avec un verre d'eau! Un verre de lait! Un verre d'eau! Ouais! Miam! Avec un verre de lait! Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. Love. Ça va pas. De retour au palmarès, c'est fou. Bravo pour le freestyle, Justine. Toujours les palmarès, c'est fou. 81 FM. Jasmine Raymond Révélé est là. Mathieu Plante aussi. Oui, et Justine Renaud. Mathieu Plante aussi. Hey, et on a Jasmine. Deux Mathieu Plante. Mathieu, trop de Mathieu. Hey, un, c'est-tu en masse, on pense. Hein? C'est déjà trop. Hey, en a-tu partout dans le gris, ça, du Mathieu Plante, ça va faire? Ouais. Dégueulasse, hein? Je sais pas, j'ai eu comme une image de ta face écrasée dans une grille. Dans un screen? Ouais, j'avais juste le goût de d'enlever les résidus avec une brosse à charcoal. Ah, tu fais ça avec ta gomme de pantalon? Oh, ta barouette. Comment ça, avec une grosse mousse? Hein? Prochain truc, hein? Exactement. Elle s'est assise dans la même chaise. La chaise sur laquelle il y avait une gomme sur laquelle elle s'est assise, oui. Il y a quoi, 3 semaines, 1 mois? Ben, la gomme est encore là, je confirme, elle sent encore la menthe. C'est une bonne odeur à avoir pour une gomme, d'ailleurs. Bon, ben moi, j'en ai assez de ça, mais j'aimerais en avoir plus, en savoir plus, en fait, sur de la musique que t'aimes. Donc, tartinons-nous. Une tartine. Je sais pas, là. Tartinons-nous, non? Bof. Start the music, bof. OK. Ah, oh, c'est mon intro préféré. Oh, yeah. On peut pas juste laisser jouer les intros ici. Non, je suis désolée, mais vous savez pas quoi? Cette nuit, j'ai rêvé à Gwen Stefani. Bon, hein, c'est sans ma faute. Joke! Elle venait nous vendre des produits Maybelline. Avec Hélène de... Non, c'est pas... Non, c'est Drew Barrymore. Oui. Qui fait aussi de Maybelline. D'accord. De Maybelline, ça se dit bien. C'est qui Hélène DeGeneres? C'est quelle compagnie? Hélène DeGeneres, c'est CoverGirl avec Taylor Swift, sa grande amie. Tout à fait. Ouais. Ça pour vous dire que qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine, eh bien, c'est du Lana Del Rey. Effectivement, son album qui est paru ce 31 janvier dernier. Quelle date qu'on est aujourd'hui? Le 2 février. Bon, donc c'est le 31. Merci. Belle précision. Je suis désolée. J'ai perdu la notion du temps en écoutant l'album de Lana Del Rey. Mais avant de vous donner ma critique personnelle sur cet album Born to Die, on va faire un petit background check. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette Lana Del Rey? Son dossier criminel, un peu, là. Dossier criminel, à part d'avoir des grosses lèvres, probablement chirurgicalement. Est-ce que tu as vu le blog de photos de vedettes masculines avec les lèvres de Lana Del Rey? C'est un blog, c'est comme... Oh mon Dieu, ça doit être tellement cool! C'est génial. Ouais, mais on se le cachera pas. La chirurgie de Lana... La possible chirurgie, je voudrais pas faire. La présumée chirurgie de Lana Del Rey lui a donné de très belles lèvres. C'est réussi, faut le dire. C'est très réussi. Bravo, docteur. Bravo, docteur. Scalpel! Et voilà. Alors, ça pour dire, alors Lana Del Rey, en fait, c'est pas vraiment son nom, c'est Elizabeth Grant. Et ça n'a aucun sens, hein? Ça n'a aucun sens! Comme changement de nom, là. C'est scandaleux. C'est Elizabeth Lizzie Grant. C'est ça? Lizzie Grant, Elizabeth Grant, fille à Rob Grant, grand milliardaire. Ben, peut-être pas milliardaire. En tout cas, il y a du cash. En tout cas, il est grand parce qu'il est dans son nom. Il est millionnaire. Ah. Ouais. Et cette jeune femme de 25 ans, originaire de Lake Placid aux États-Unis, fait de la musique qui décrivent de indie pop, adult, alternative, chamber pop, sadcore. Moi, je dirais que c'est de la musique pour se pitcher en bas du pont. OK. Alors, d'où le sadcore, j'imagine. Mais c'est vraiment un drôle de mélange de pop avec un fond classique bien recherché. C'est très étrange. Je vais vous en reparler plus tard. Tout ça pour vous dire que, dans le fond, ça, c'est pas sa première tentative de se lancer dans le mainstream. Elle aurait auparavant lancé un EP de 3 tunes, Kill Kill, en octobre 2008, que ça n'a pas du tout levé, malheureusement pour elle. Tu parles encore d'elle comme si c'était une criminelle. Tu as dit elle aurait sorti. Oh, elle oui. aurait pu sortir un CD. Exactement. Si vous l'avez vu, Race Blanche, grosse lèvre. Race Blanche, grosse lèvre. En gros, c'est ça. oui. Et alors, aussi sorti un... Lâche les oreilles, s'il te plaît. Oui, mais là, c'est à cause que... Je vous dirais pas, mais c'est Wikipédia. Puis si je dis elle a sorti, puis que Wikipédia, c'est... Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. Tu crédites tes sources. Je crédite mes sources. OK. Pourquoi on chuchote? Ah, c'est ça. OK. Elle a sorti un album du titre Lana Del Rey, a.k.a. Lizzie Grant, en janvier 2010. Dans le fond, c'était pendant sa transition de Lizzie Grant, jeune fille blonde avec des lèvres minces comme, écoute, comme une ligne, là, sérieusement. Une ligne de vers lèvres. Une jeune femme pulpeuse, des cheveux châtain brun, digne ouais. Des starlettes des années 20, ouais, avec des grosses lèvres. On dirait Mad Men quand tu la regardes. Ah oui! C'est ça qu'il voulait faire mais, avec elle. Mais elle est excessivement sexy, oui, selon moi. Là, moi, je le trouve vraiment, en tout cas... Pareillement. Et dans mes goûts, là, elle me fait beaucoup penser... juste la fille en tant que telle me fait vraiment penser au film American Beauty. Vraiment beaucoup, là. Mena Suvari, je trouve que ça y ressemble beaucoup puis qu'on aurait pu la remplacer dans ce film-là facilement par elle. Tout ça pour dire que cette semaine, j'ai fait le merveilleux achat de son album, un vrai album complet, là, pour une tonne. Avec du carton et tout ça. Avec du carton et tout ça, là. Écoute, 13 piastres, 14 tonnes, je trouve amplement que ça fait vraiment la job, mais il faut dire... Que d'anglicisme pour parler de Lana Del Rey, oui, je suis désolée, vous me pardonnerez mes anglicismes. Non, ça va, je les apprécie. J'apprécie ça à cause de ta tuque. À cause de ta tuque, ça va. Lâche-moi avec ma tuque. Il est où le jeu de mots qui s'en vient? Je l'attends, là. Non, il n'y a pas de sucre, c'est jusqu'à la... y a pas de non, mais je dis pas, non, mais j'attendais, tu parlais d'anglicisme et de tuque, donc j'attendais vraiment la joke. Tu croyais vraiment que j'allais faire un jeu de mots, tuque, croyais vraiment? Ah, c'est vraiment mauvais, ça. Tu peux continuer, Justine. Wouhou! Alors, c'est ça. Moi, Lana Del Rey, en fait, je l'ai connue par ses vidéoclips sur Internet, par le billet de Stéphane Gagné. Hello, Stéphane Gagné. On parle d'elle tout le temps, Gagné. Je suis désolée, c'est quand même mon ami, là, alors j'ai comme pas... C'est notre ami à tous. Non, c'est mon ami. Bon, garde la dent d'abord. Bon, ça pour dire que j'avais entendu déjà la chanson Born to Die, Diet Mountain Dew, j'avais entendu Video Games, j'en ai entendu vraiment beaucoup et je les avais vraiment toutes aimées, littéralement. Alors quand elle a sorti son album, j'avais hâte de voir si les autres chansons que je n'avais pas encore entendues étaient allaient être à la hauteur. Certaines ne sont pas. Je trouve qu'il y a eu de la paresse au niveau de la recherche des mélodies, parce que ces mélodies sont incroyables, sérieusement. Ça, c'est des vers d'oreille. Elle écrit vers d'oreille après vers d'oreille. C'est tout ce qu'elle fait. Mais, des fois, il y a de la programmation synthétique de percussion et ça, ça m'horripile au plus haut point, mais c'est pas sur toutes les tunes. Je vous dirais que la chanson 1 à 6, là, je les aime bien gros. Au milieu, ça se gâte un peu. Mais présentement, nous allons aller à l'écoute d'une chanson que j'aime beaucoup sur son nouvel album et s'intitule Blue Jeans. On l'écoute immédiatement. Assez fou. 89.1. Elle est professionnelle quand même. Yeah. Quand même. Elle est bonne. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean. For sure, you're so fresh to death and sick as cancer. You were so punk rock, I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, to leave to start your life over. I was like, no, please stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. I was C'était Blue Jeans de Lana Del Rey, chanson qu'elle a performée à Saturday Night Live et qui n'a pas du tout fait l'unanimité. Flop, ça, tu parles. Flop. Au niveau vocal, je vous dirais que la manière qu'elle performait, c'est pas mal égal à elle, dans le sens où elle n'est pas très, très active sur la scène. Ouais. Ça doit pas être une performeuse particulièrement performante. Il faudrait juste du coaching, peut-être que ça pourrait fonctionner. Je sais pas si c'est le coaching qui manque ou bien si c'est vraiment l'effet qu'elle veut faire de l'espèce de femme fatale, actrice des années 20 sur le bord de se tuer avec des sleeping pills. Ouais. Elle fait très Marilyn Monroe sur le bord c'est de se tuer. Là. Mais donc, alors ça, c'était une chanson qui est quand même assez populaire sur le web. Maintenant, nous allons tout de suite aller à l'écoute de la prochaine chanson sur son album en cinquième position sur l'album. C'est Diet Mountain Dew, qui est un style un petit peu plus... plus pop, peut-être un peu moins recherché, mais que j'apprécie quand même beaucoup pour si tu veux écouter une chanson puis que ce soit léger. Alors on écoute immédiatement Diet Mountain Dew. Ah, c'est fou! Alors, c'était Diet Mountain Dew de Lana Del Rey et moi, petite fille, avec Mathieu Plante, a.k.a. my co-petite fille. OK, merci. Compliment ou... Ben oui, bof. Compliment. OK. cool. T'as une belle peau comme une petite fille. Hey, merci, faux complètement, mais quand même. Voilà. Apprécié. Alors, c'était le dernier extrait que je voulais vous faire entendre de son album Born to Die, paru ce 31 janvier dernier. Album, selon moi, qui ne fait pas l'unanimité, mais quand même, il y a quelque chose. Fait pas l'unanimité de toi-même, c'est ça? Non, t'es pas l'unanimité de moi-même, puis surtout pas des critiques. Les critiques ont été extrêmement sévères à son égard. Là. Et tu disais que le milieu de l'album est pas mal du remplissage comparé au début. Oui, ben c'est ça. Les chansons qu'on a connues sur Internet, qu'elle a très bien popularisées là, avec certaines vidéos qui ont eu 25 millions de visionnements, là, quand même, ces chansons-là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment eu le temps de les raffiner côté production, mais les chansons du milieu de 7 à 11, pas mal, je les ai pas mal moins aimées. C'est pas. C'est des mélodies très, très bonnes, mais pourtant. Manque quelque chose d'authenticité un peu. Mm-hmm. Bref. Dommage. Elle ne donne pas de spectacle au Canada prochainement. De toute façon, en spectacle, j'ai entendu dire que c'était un petit peu comme à SNL. C'est pas fameux. Ben, c'est pas fameux, mais en fait, j'ai vu des vidéos d'elle dans des petites salles où est-ce que c'était filmé vraiment par des amateurs et que c'était pas télévisé. Et puis, je me suis surprise à la voir vraiment beaucoup interagir avec le public. Elle faisait des blagues, elle bougeait, mon Dieu. elle bouge! C'est pas juste un robot! Elle fait pas juste flipper ses cheveux par-dessus son épaule, non! Mais elle était quand même habillée de manière douteuse, style la femme d'un courseur automobile, là. C'est-à-dire genre l'espèce de veste en cuir puis des pantalons skinny avec des paillettes dessus. En tout cas, moi, j'aime pas ça comme elle est habillée. Ouais. Bref, mais c'est quelque chose, hein. Vraiment bizarre. Puis juste aller voir son vidéo Born to Die, qui est le vidéo le plus officieux qu'elle a fait, qui est quand même... Il est pas très bon, là. Mais juste la regarder, là, sérieux, on tombe en amour avec. Passe-nous une vidéo sur la page Facebook des Palmarès et Fous. Il faut que je fasse ça, moi, là. Oui, ben, ouais, mais j'ai pas accès à Internet, tu sais, Mathieu. Come on! Donc, merci, Justine, pour tes tartines. Oui. On te retrouve dans deux semaines, mais tu restes avec nous un petit peu. Là. Ben oui, je reste avec vous un petit peu. Pas longtemps, parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Ah oui? Oui. Tu vas manger quoi? Je sais pas, hein. Ben, c'est pour ça qu'il faut que j'aille réfléchir à la chose. Magasiner des choses? Non, on ne passerait pas. Non, bon. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est Fou. On se retrouve avec la troisième heure. Et dans celle-là, il va y avoir les instants classiques d'Assemblage Requis pour la semaine du 30 janvier. Il y a aussi l'entrevue avec Mino Grenade que j'ai réalisé plus tôt cette semaine pour leur spectacle de ce soir. Et la section ailleurs dans les Palmarès. Tout ça s'en vient. Restez là. Oui, plus de musique aussi. Il y a de la musique là-dedans. Ben oui. Un peu. Un peu de musique. Vous êtes assez fous. L'écouter. 89.1 De retour, c'est la troisième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Justine Renaud. Et moi, c'est Jasmine. Et où, Jasmine, coudonc? Je sais pas. C'est une demi-heure qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Ouais. Elle a dit qu'elle allait jeter ses petits mouchoirs de marque Scotties. Ah, c'est des bons, ça. C'est les mêmes que chez nous. C'est correct, ça, c'est bon? Suprême, est-ce que sont suprêmes? Oui, suprêmes. Voilà, les mêmes que chez nous. Mon Dieu! Pour les nez pleins. C'est pour les nez pleins. Ben, elle n'est pas revenue depuis... Elle est perdue dans son Kleenex. Je sais pas. Sont tellement absorbants. Donc, on va aller aux cinquième places tout de suite du côté anglophone. Ce sera The Cat Empire avec Waiting qui descend d'une place. On débute avec Bravo Funkin qui monte de 5 avec Zombies. Et après ça, c'est les instants classiques d'Assemblage Requis. Restez là. Au palais, c'est vous. Il ne saura jamais que tu m'aimes, il ne saura jamais que tu m'aimes. Et que ce vaut mieux me s'en mettre. Il ne saura jamais que tu l'aimes. Il ne saura jamais que tu l'aimes. Cat Empire et la pièce Waiting, position numéro 5, ça descend d'une place. Juste avant, il y avait Bravo Funkin avec la pièce Zombie. Oui! Passe de la 10e à la 5e. Tantôt, on va entendre Monogrenade et Los Campesinos au 4e position, mais avant ça, les filles, c'est la suite de tantôt.

fire, because the dew will temper your fall. You'll sing me lullabies in form of your catcalls. And I've been dangling in limbo, barely keeping my cool. It's like I'm snook between the back cushion and touching the aid. We'll keep replaying my turn until your patience is shot. You peel your white gloves off seductively before you respond. Your fingertips leave marks and grays. I lay you down atop the bay. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. Grenade qui est sur le palmarès francophone en ce moment avec la pièce de toute façon. Ils vont être en spectacle ce jeudi à la Maison de la Culture et je reçois Jean-Michel Pigeon pour en parler. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah oui. Jean-Michel, t'es un des quatre membres de Monogrenade, mais pour nous situer un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans le groupe principalement? Je fais le piano, la guitare et la voix. Quand même, tu fais beaucoup de choses là-dedans. Et ben, je fais pas les trois en même temps. Non, c'est ça. Ben, ouais, faut se calmer un petit peu. Les autres membres du groupe, est-ce que tu peux me les présenter un petit peu? Qu'est-ce qu'ils font, eux, dans le groupe? Mathieu, qui fait le drame, percussion, puis les marines. Marianne, qui fait le violon. Puis François qui fait la basse, puis la guitare aussi. Votre album Tantal est sorti en mars 2011, donc tu as eu l'occasion d'en parler. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit survol rapide de ce qui s'est passé depuis la sortie de l'album, donc en mars 2011? Ben, en fait, c'est ça, vu que c'est notre premier album, fait qu'on, c'est sûr qu'on on l'a joué beaucoup, on se promène, on fait des shows à travers le Québec. Sinon, on était deux fois en France, une fois à Paris, puis la deuxième fois, c'est on a été en Bretagne, en Franche-Comté, puis on a fini à Paris. On a été aussi au Yukon, jouer à Yukon, c'était vraiment cool, c'est une belle expérience. Puis là, on retourne en France, en fait, au mois d'avril. Enfin, on va faire pas juste en France, en fait, on va se promener un peu, probablement en Angleterre, puis en Belgique aussi. OK, donc ça va vraiment bien. C'est votre conquête du monde entier. Exactement. Là, on peut se procurer votre album Tantal en téléchargement numérique pour 9$. Pour 10$, tu as le format numérique et le CD ensemble, donc pour 1$ de plus. Je me demandais, c'est quoi l'idée derrière ces prix-là? Ben, en fait, quand on est un band indépendant francophone, on commence, on veut faire un prix. On veut que... On aime mieux vendre des albums pas chers puis que le monde en achète beaucoup pour qu'on se fasse connaître que de vendre nos albums super chers. Puis c'est plus au niveau marketing, là, j'imagine. Ouais, ouais. Comme c'est toi qui écris les textes du groupe et que notre émission, c'est les Palmarès, c'est fou, je voulais te demander l'inspiration derrière la pièce qui est dans Palmarès en ce moment, c'est de toute façon. De quoi elle parle cette pièce-là et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Mais en fait, c'est assez simple. Tu sais, on est tous conscients aujourd'hui des enjeux de l'environnement pis tout, pis on sait que c'est probablement dans 50 ans il n'y a plus de pétrole pis que pis je sais pas je pense qu'on pense inconsciemment à ces affaires dans la vie pis que même en sachant ça ben tu sais on peut pas faire grand chose en fait. On peut pas arrêter les gros enjeux comme ça, fait que on est tous bien de faire du fun. C'est un peu ça le message en fait. C'est un peu une parodie de ça, mais c'est un peu ça. Vous avez fait un vidéoclip pour cette chanson-là, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce vidéo-là? Ben oui, en fait, ça représente vraiment la période de l'adolescence justement que tu as juste envie de faire la cave puis de déconner puis de. T'sais, les jeunes ils se trouvent en char, ils boivent la bière, c'est vraiment notre minding-là aussi. Alors, on va parler un petit peu du spectacle. Vous allez passer dans le fond à la Maison de la culture de Trois-Rivières, c'est jeudi le 2 février. Comment est-ce que tu décrirais les spectacles de Monogrenade? Ben, c'est vraiment le spectacle de Tantal. En fait, on présente vraiment notre premier album. Puis c'est vraiment... l'ambiance ressemble beaucoup à l'album, mais c'est sûr que live, c'est différent. Il y a plus de nuances. Il y a des chansons qu'on fait un peu différemment. On est mobile, on les joue vraiment différemment. Puis on va aussi présenter une partie d'une nouvelle tune qu'on... qui va être sur le deuxième album. Okay. On a pas de quatuor, sur l'album de quatuor, mais en live, on a adapté ça avec deux violons, parce que sinon, c'est trop cher. En fait, avec Marianne qui fait le violoncelle, puis le violon, c'est cool, on a réussi à faire un arrangement qui... Tout le stock est là, mais... Il y a un autre vétéran des Palmarès, c'est fou, Peter, qui va être sur scène avec vous ce soir-là. C'est quoi la formule? Est-ce que ça va être un spectacle double, partie égale? Est-ce que ça va être première partie, deuxième partie? Comment ça va? Non, souvent, un programme double, c'est un show où on va jouer les deux. Je pense que nous autres, on joue avant lui, puis ça fait une couple de fois qu'on joue avec lui, puis on les aime bien. Puis... Quel autre, mettons, artiste québécois, on dirait, pour commencer, est-ce que t'aimes écouter en ce moment? Qu'est-ce qui t'inspire en musique québécoise, pour commencer? Ben là, j'ai bien hâte d'entendre le dernier de Marc-Pierre Arthur. J'ai vu le teaser, puis ça a l'air vraiment cool. Sinon, j'aime bien Philippe B aussi, j'écoute beaucoup son album. C'est vraiment génial. Puis, j'ai été voir hier le lancement de I Know, qui est un band de Québec que j'aime beaucoup. Puis, je suis bien hâte d'écouter l'album, je l'ai acheté, puis je suis bien hâte. OK, puis si tu irais plus à l'international dans la musique que tu aimes? Bon, c'est sûr, on est des gros fans de Radiohead, on écoute de Patrick Watson, de Carquois, tout le post-rock un peu de même. Bon hiver, j'aime beaucoup ça aussi, Timber. Qu'est-ce que j'écoute cette heure-ci? Land of Talk, j'adore. Cool. Je peux me nommer pendant 30 minutes. Pour se quitter, je te laisse choisir n'importe quelle pièce de l'album Tantal. T'as pas limite de temps, t'as pas limite de style. Et puis, Tu parles de la pièce que t'as choisie un petit peu, s'il te plaît. Je pense que je choisirais M'en aller. OK. Cette note, c'est comme significative. C'est une des premières tunes qu'on a travaillé vraiment toute la gang ensemble, puis qu'on l'a joué même avant qu'elle soit sur l'album, puis je pense qu'elle nous donne bien. Parfait. C'est un bon spectacle, et puis que du succès, comme toujours. Ben, merci beaucoup, je vous remercie. La pièce M'en aller sur l'album Tantal. On remercie Jean-Michel Pigeon pour l'entrevue que vous avez entendue juste avant, l'entrevue qui avait lieu plus tôt cette semaine dans nos studios. Et le spectacle, on le rappelle, c'est ce soir, jeudi 2 février à 20h à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Les billets sont disponibles sur ovation.qc.ca et vous pouvez retrouver plus d'informations sur Monogrenade au monogrenade.com ou encore myspace.com/monogrenade, twitter.com/monogrenade et facebook.com/monogrenade. Ils sont pas eux, ils ont réussi à avoir les noms pareils partout. Donc, impossible bravo de les manquer. Et voilà, Monogrenade, on adore ça ici, c'est fou. Et l'album, encore une fois, c'est Tantal. On est rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, on aura Library Voices avec Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. Ça monte de 12 places. Du côté francophone, Galaxy avec Mélodie Mécanique qui monte d'une place. Mais avant ça, j'ai oublié que Justine voulait nous parler de Fanny Bloom qui est allée voir en spectacle, parlant de show comme ce soir, Monogrenade. Oui, le show! Oui! Le show! Le oui, show. Alors juste brièvement, parce que là, je m'en suis souvenu là, parce que je suis tellement... Mon Dieu, il y a quelque chose qui... C'est oh non, mien, okay. C'est mien. Je suis désolée. J'avais l'impression que quelque chose se passe. C'est fou, ça vibre de ce côté-ci de la table, puis elle sent jusque là-bas. Faut le faire. Je te laisse sonner, tu sais. Je suis connectée avec... Non, fais pas ça, s'il te plaît, sérieusement. J'ai l'impression qu'il faut que je me réveille le matin. OK. Dis ça pour Fanny dire Bloom, que... elle aussi est très vibrante. Le 20 janvier dernier, vendredi soir, magnifique, à la Maison de la Culture, j'ai été voir un spectacle Fanny Bloom. Fanny Bloom, la chanteuse de la Patère Rose, qui s'est dissoute en juin dernier. Rest in peace. La patère rose, que j'aimais ça. Et c'est ça, j'ai ça continue d'exister et tu peux encore écouter leur musique. Hein? Ouais, dans le sens, non, je continue tout le temps. Tout le temps. Surtout la chanson Pépé, là, j'adore la chanson Pépé. Mm. Colin, que j'aime la chanson Pépé. Ça pour dire que c'était format cabaret, le spectacle. C'était super amusant. C'était dans le cadre des Nuits polaires. Et puis, on était toutes des petites tables organisées partout dans la salle Louis-Philippe Poisson avec des chaises alentour. Il y avait du Porto puis du chocolat noir. Mais je suis pas ici pour vous parler de qu'est-ce que j'ai mangé et bu cette soirée-là. Moi, je veux en savoir plus. Mais bien, juste brièvement vous dire sérieusement que Fanny Bloom nous concocte quelque chose d'excellent pour sa sortie d'album en mars et que je vous jure que ce sera tout aussi délectable que son projet de La Patère Rose. Maintenant, en solo, qu'elle pourra nous montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec une espèce de petit band reconstitué, là, dont une fille bassiste et un gars poilu qui joue de la guitare, un autre qui joue du piano. Moins poilu, lui, ouais, plus clean cut. Puis quelqu'un qui joue de la batterie. Hey, je suis vraiment pertinente, là. Mais sérieusement, c'est un peu la même formule que La Patère Rose, des chansons avec du piano, des chansons qui bougent beaucoup plus, que c'est vraiment bon avec... ça va encore, mais c'est beaucoup plus mature et ça nous amène sur une toute autre planète. Et c'était tout ce que je voulais dire au sujet de Fanny Bloom que j'aime vraiment beaucoup. Renseignez-vous sur ses spectacles, Fanny Bloom. Oui, renseignez-vous, parce que là, elle avait pas l'air à avoir grand-chose parce qu'elle a pas encore sorti son album. Fait que, en tout cas... Je l'attends. J'ai hâte. J'ai hâte. Ouais. Merci. Bienvenue. Ouais. Et moi de quitter, hein. Malheureusement, je suis désolée. Il faut que j'aille faire à souper. Quelle bonne raison. Tu vas continuer d'écouter C'est fou dans ta voiture et à la maison, j'imagine. Ben oui, tout le temps. Comme toute bonne femme au foyer. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Non, sérieux. C'est correct. Encore, c'est pas on la croit, dans... moi je la crois. En tout cas. Bref, merci Justine. Dans deux semaines. Bienvenue, les enfants. Voilà. Les enfants de la radio. Oh! Comme les enfants de la télé, je viens de la comprendre. Oh, oui. Hey, c'est bon, cette mission-là. Hein? Donc, Jasmine et moi, on reste ensemble pour encore une demi-heure avec les positions numéro 3 pour l'instant. On les a mentionnées tantôt. Je vais rester là tout le long, je vous jure. Repars pas à mener les Kleenex puis rester une demi-heure en corridor. Hein? Donc, on rappelle que tantôt, il y aura Library Voices. Mon début avec Galaxy. Voici Mélodie Mécanique. Au palmarès, c'est fou au 89 FM. C'est fou! Wouhou! Nos histoires folles et nos soupirs dans l'alcool et nos désirs dans le pire. Nos têtes vicroches se déchirent. assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Numéro 3. Voices et Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. Tu vois comment je l'ai bien prononcé comparé à l'habitude quand je dis beaucoup trop vite et personne ne comprend ce que ça veut dire. Tu comprends? Ouais, mais là, c'est le reste que tu as prononcé un petit peu trop ça vite. Ça ressemble à ça. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'était du côté anglophone en troisième position. Ça monte de 12 places. Du côté francophone, Galaxy avec Mélodie Mécanique qui monte d'une place. Tout à l'heure, on aura les numéros 2. On a créé un monstre de Pac-Ali, mais avant ça, on tourne la page. Gling, gling, parce que les Palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Aïe, aïe, c'est tellement loin d'être juste ça. Jean. I, mais non. C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 lard, le top 30 des CD, un top 3 des disques canadiens. Commençons par le top 30 des CD. Une chance que je peux lire sur tes lèvres présentement parce que je comprendrais rien. Je pense. C'était rapide. Bon, d'accord, merci. C'était rapide. Non, mais c'est pas... C'est pas un défaut, là. Non, non. C'est correct. Plein de choses à dire. Donc, nouvelle entrée en position numéro 19. Wood Pigeon avec Four Petals. Ben tu veux faire le top 3, maintenant? Ben oui, là, j'étais déjà à ma page. Ben là, oui, voilà. Tu me prends toujours de cours. Caroline, tu suis un peu. Oui, mais je te suis. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire, cher public. Ah, pas vrai. Donc, oui. Ah, j'avais dit qu'on allait à brûle pour point, cheveux à la soupe, jeu de quilles. C'est vrai. C'est vrai. Oups, pas grave. Donc, top 3, je vais le faire. Top 3 du top 30 des CD, c'est en troisième position Library Voices et Summer of Lust. En deuxième, ça monte de 13 de Pac-Ali et Unpersons. Et en première, ça monte d'une place de Bar Brothers avec leur album homonyme. Dans le top 3 des disques canadiens, je te laisse faire au complet, il n'y a pas de nouvelles entrées. Donc, je suis là. Donc, en troisième position. Library Voices, Voices, dis-je, ta avec voice, Summer of Lust en troisième position. En deuxième, c'est The Pack AD avec Unpersons. Et en première place, The Bar Brothers avec comme Mathieu l'a dit, leur album homonyme. On s'entend que le top 30 des CD dans son top 3 et le top 3 canadien, ça ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal, hein? Ouais. C'est pour ne pas dire la même chose. Exactement pareil. Je l'ai pas dit. Nouvelle entrée en 10e place du top 10 électronique, c'est Matthew Dear avec Head Cage EP. En 3e place, ça monte de 4, The New Law avec The 50 Year Storm. En 2e, c'est stable Acre Tongue avec Strange Cargo. En 1e place, c'est ABC Galaxy avec Monstrously Acclaimed. Est-ce que tu veux faire les nouvelles entrées du top 10 là ou devant? Essayez de. Je vais y aller avec les trois. Non, les trois premières. Okay, je t'ai habitué à les prononcer. Donc, nouvelle entrée en 10e place, Not Niggle avec Decadence. En 9e, Throne of Vengeance avec Flesh Engine. En 8e, pardon, c'est Motorhead avec The World is Ours Volume 1. En 3e position, Machine Head avec Unto the Locust. En 2e, Ice Earth avec Dystopia. Je parle tellement. En 3e position, The Devil's Blood avec The Thousandfold Epicenter EP. C'est comme quand on arrive pour... C'est comme quand t'arrives pour prononcer un nom de groupe en anglais puis tu dis le groupe s'appelle parce que si tu commences l'anglais, ton boss... Ton cerveau, il a déjà comme switché, là. C'est génial. C'est ça que j'ai fait. C'est le cerveau humain, on apprécie beaucoup. Deuxième position anglophone, ça monte de 12 places, The Packady avec Cardinal Rule. Et du côté franco, on a créé un monstre avec la pièce 5.0 qui monte d'une place. On parle mal, c'est fou, 89 FM. On est là, on est encore là. On a tout dit ce qu'on avait à dire, je pense. C'est fini. Assez parlé. À rouler l'angoisse, à rouler pour rien. dur de croire que tu tiens encore debout. À part la peur de sortir, à part les nuits s'endormir, la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore, et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête, la vie te fait brûlera ton cœur. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en mets. Normalement, on jouerait les positions numéro 1 à la fin de l'émission, mais là, j'avais tellement hâte d'entendre le Grand Nord. T'as pas le choix. Pas parce que tu t'es trompé. Ben, du tout. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé. Donc, on a entendu la position numéro 1, le Grand Nord de Fille... le Fille de Contraire, Feu du Grand Nord. Et en plus, je sais même pas lire. Ça monte d'une place. Avant ça, on a entendu le numéro 2 francophone. On l'a entendu? Oui, on l'a entendu. Excusez, mon Dieu, mais c'est moi qui ai mêlé. Hein? On est toutes mêlées. On est deux au moins. On a créé un monstre avec 5.0. Oui, c'est la chanson qu'on a fait jouer trois fois ce matin pour le spécial Jour de Maman. Ah oui, on vient d'en parler justement. C'est exactement ça. Voilà. Oui. Donc, vous aurez compris qu'on va jouer les deux et une anglophone de suite tout à l'heure, mais je vais quand même faire mes jeux de mots tout de suite. Ah oui, vas-y. Alors, on n'a même pas eu droit à celui pour le Grand Nord. Non, je sais, c'est plate un peu. Hein? Je préfère des jeux de mots pour les deux numéro 1 anglophones, c'est parce que je suis comme demain. Pas besoin, moi, je suis un rebelle, t'sais. Un rebelle. J'ai pas besoin de suivre les règles, qu'ils soient cardinales ou autres. Je n'ai pas besoin de suivre les règles. Je ne suis pas comme un des loups. Je ne suivrai pas le paquet de loups. Je comprends pas la joke avec cardinal. Cardinal rule. Règle cardinale. T'sais. Ok, oui, c'est vrai. Puis oui, pack, un paquet. Pack. Oui, non, c'est ça, j'avais compris. Ouais. Oui. À un moment donné, rendons à César ce qui appartient à César. Rendons au diable son cœur. Son cœur, hein? Ben oui. Give the devil back his heart. Hein? Non, mais tu sais, cassé ou encore, moi je dirais, vu que je suis Mathieu Plante, je suis pas cassé, je suis barré. Comme dans quoi? Bar Brothers. C'est ça. Barré. C'est excellent. Ouais. C'est du grand bof. Bou. Ça a le droit de rire à moi. Bou. Ouais. Bou. Mais. Bof, bof. En tout cas. Donc, on va entendre The Pack Eddie en deuxième anglophone avec Cardinal Rules. Ça monte de 12 places. En première place, ça va être The Bar Brothers avec Give the Devil Back His Heart. Barré. Ton frère est barré. Tes frères sont barrés. C'est ça. Tes frères sont barrés. Ben oui. Attends, je vais juste m'arranger pour jouer la bonne pièce parce que j'aimerais vraiment ça jouer les bonnes affaires. Là! Yeah! Palmarès, c'est fou, rock on! Ah, capote. T'es tellement rebelle. Ouais. T'es tellement rebelle. Je suis pas les règles cardinales. Ça veut rien dire en plus. Je comprenais pas. Position. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Encore pas en train de jouer la bonne chanson. Tu parles d'un animateur de merde. Hein? Excuse-moi, comment? Puis je lui faisais remarquer d'ailleurs que j'avais comme jamais entendu l'espèce d'intro de première position. Ah ouais? Il trouvait que j'étais non dans la lune, tu sais. Oups. En tout cas. Mother, Les positions numéro 1 des palmarès C'est fou de cette semaine. On vient d'entendre... En fait, on va récapituler comme on le fait toujours. Hein. Du côté anglophone, en troisième, c'était Library Voices et Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. En deuxième, The Pack 80 avec Cardinal Rule. On vient d'entendre en première place The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart. Du côté francophone, en troisième position, c'était Galaxy avec Mélodie Mécanique. En deuxième, on a créé un monstre avec 5.0 et on a entendu... On vient tantôt. Pas d'entendre tantôt, en fait, mais tantôt, le Grand Nord avec Fille de Feu. Voilà pour les palmarès C'est fou de la semaine du 30 janvier au 5 février 2012. C'est fini. Ouais, c'est fini, c'est terminé. On se quitte très bientôt. On remercie Justine Renaud pour ses tartines. Merci. Merci à c'était toi, bon. Jasmine. Ben oui, c'est très bon. Toi aussi, t'es bonne. Merci, mais je suis pas une tartine. Non, t'es une canne de bine. Non, c'était non? On avait dit comptine, finalement. Une comptine. Ah, c'est cute. La semaine prochaine, tu vas avoir une comptine à nous compter. Oui, j'aurai une comptine à vous faire jouer. Content d'entendre ça, cette comptine. Content. Moi, c'est Mathieu Plante. Merci, c'est Mathieu ça. Ça fait plaisir. Restez à l'écoute pour La Spirale à 18h pour les auditeurs du jeudi. On se retrouve jeudi prochain, donc entre 14h et 17h. Bye bye! On chante ça à tout. Je la connais pas. Ben là. Ah oui, ben là. C'est dur de reproduire ces sons-là. C'est ça, les sons. C'est ce que je suis capable de faire. Bravo.